يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لها شأن عظيم. Module initial, retranscrire une lettre. Chapitre 12, dictée 131. Écris la lettre que tu entends avec la voyelle courte correspondante. Première lettre. Di. Di. Di. Di. Di. Deuxième lettre. Z. Z. Z. Z. Z. Troisième lettre. Zo. Zo. Zo. Zo. Zo. Quatrième lettre. Ri. Ri. Ri. Ri. Ri. Cinquième lettre. Sa. Sa. Sa. Sa. Sa. Sixième lettre. Tho. Tho. Tho. Tho. Tho. Septième lettre. B. B. B. B. B. Huitième lettre. Chi. Chi. Chi. Chi. Chi. Neuvième lettre. L'eau. L'eau. L'eau. L'eau. L'eau. Dixième lettre. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Onzième lettre. O. O. O. O. O. Douzième lettre. T. Treizième lettre. Ri. Ri. Ri. Ri. Ri. Quatorzième lettre. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Quinzième lettre. هو هو هو هو هو. 16e lettre. يو يو يو يو يو. 17e lettre. هي هي هي هي. 18e lettre. Ti ti ti ti ti. 19e lettre. Ro ro ro ro ro. 20e lettre. Ja ja ja ja ja. 21e lettre. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. 22e lettre. Ri. Ri. Ri. 23e lettre. Tou. Tou. Tou. Tou. Tou. 24e lettre. Fi. Fi. Fi. Fi. Fi. 25e lettre. Sou. Sou. Sou. Sou. Sou. 26e lettre. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. 27e lettre. Vo. Vo. Vo. Vo. Vo. 28e lettre. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Si tu as acheté la formation, la correction est disponible sous la vidéo dans ton espace personnel. Si tu n'as pas encore acheté notre formation de plus de 300 dictées progressives, le lien est en description et tu peux répondre en commentaire.